Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On avait fini avec le mustahab qu'on appelle aussi le mandoub et qu'on appelle aussi as-sunnah, qu'on appelle aussi naflan. Et le wajib, donne-nous deux, trois noms du wajib. Ah, ma habar, Bab Rahman. Le wajib. Al-lazim. Ahsan. Al-farida. Ahsan. Tu peux trouver quelque chose qui est similaire presque. Lui, il a dit al-farida. Al-farid. Naam. وكذلك الحتم شيئا محتما نعم على كل حال là il y a une feuille de Jamila en fait ça le livre que dans lequel je lis c'est le livre de Cheikh Abdul Wahhab Al-Shamiri Abdul Wahhab ibn Saïd Al-Shamiri Abi Mohammed c'est un des Mashayikh de Damaj, c'était lui qu'on appelait le juge de Damaj. Donc ça, c'est son char. Naam. Donc là, il a évoqué une faïda jamila. Celui qui peut l'écrire, qu'il le fasse. Donc il dit, faïda, al-mandou yanqasimu ila thalathati aqsam. Le mustahab, il se divise en trois catégories. الأول المندوب المسمى بالسنة المؤكدة طيب les noms du wajib attendez parce que là on demande les noms du wajib. Les différents noms du wajib, on avait dit Al-Lazim wa Mada Fard Farida wa Hatm Naam Al-Mustahab on avait dit Sunnah Masnoun wa Kadalik Al-Masnoun wa Al-Mustahab wa Nafl Naam Taïm, ala kulli hal On revient sur notre faïda. Donc le mustahab, il se divise en trois. Al-mandoub, il se divise en trois. La première catégorie, al-mandoub al-musamma bi-sunnah al-mu'akkada. Bi-sunnah al-mu'akkada. Wa hiya allati dawama 'alayha nabiyuna 'alayhi salatu wa salam. Et ce n'est autre que la sunna sur laquelle a été sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est trouvé constant. La sunna sur laquelle ou qu'il a pratiqué constamment. Wa hiya allati dawama 'alayha nabiyuna 'alayhi salatu wa salam. ولم يتركها في سفر ولا حضر. Et il ne l'a jamais laissé, que ce soit en voyage ou en étant résident. Qui a un exemple de sunnah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais laissé? Al-Witr. Naam. Comme yani salat al-Witr. Wa subhanallah ya ikhwan. Ma a'zam al-kasal. في عباد الله فالوتر هي عبارة عن ركعة واحدة والكثير منا ننشغل عنها et beaucoup d'entre nous on est occupé sur le fait de faire le witr وهذا غلط في الحقيقة غلط عظيم ونسأل الله الستر والعفو وأن يعيننا على القيام بمثل هذه السنن المؤكدة. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous facilite pour qu'on puisse pratiquer ce genre de sunnah et qu'on puisse être constant comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été constant sur la salat al-witr. Il n'a jamais lâché ni en voyage ni en étant résident. Wa ana a'taqid anna alladhi yatamassak bimithli hadha yatamassak bil fara'id min bab awla. Celui qui ne lâche pas le huître, il ne va jamais lâcher les obligations d'une manière encore plus évidente. Non. Mais quand tu commences à lâcher le huître, c'est-à-dire que le khalal, c'est yadkhul hatta fil fara'id. Le fait de laisser ce genre de sunan, ma'akada, ça peut rentrer même après et causer du tort dans tes adorations obligatoires. فالإنسان الغير الذي ليس له عذر شرعي كالمرض أو شيء من ذلك لا ينبغي أن يترك الوتر لا ينبغي أن يترك الوتر والوتر كان الإمام أحمد يختبر الناس به أو بها الإمام أحمد il avait il mettait c'est-à-dire il examinait les gens. Hein, ils prenaient leurs informations ou ils rejetaient leurs informations par rapport au huître. C'est pourquoi il a une fameuse parole qui dit qu'il n'accepte pas la shahada, le témoignage d'une personne qui ne fait pas le huître. Fahiya jadiratun bil inaya. C'est vraiment une prière qui mérite qu'on lui accorde énormément d'importance. Wa kadhalika rak'atay al fajr. Comme, tout comme les deux rak'at avant Salat al-Fajr. Na'am. Wa ghayraha. Tayyib. Wa hukmuhu. Et vous écrivez. Et son jugement, c'est-à-dire le jugement d'une chose qui est d'une sunnah qu'on appelle mu'akkada. Wa hukmuhu. Annahu la yu'aqab tarikuhu. Bal yulam. بل يلام وحكمه أنه لا يعاقب تاركه بل يلام et son jugement le jugement d'une sunna qu'on appelle sunna mu'akkada est que celui qui la délaisse n'est pas châtié mais il peut être blâmé mais il mérite d'être blâmé celui qui la délaisse n'est pas châtié mais il mérite d'être blâmé. Wa dalilul malama qawluhu sallallahu alayhi wa sallam ya Abdallah ibn Amr la takun mithla fulan kana yaqumu al-layl fatarakah. Et la preuve qui nous fait dire que la personne mérite d'être blâmée, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit à Abdallah ibn Amr: ô Abdallah ibn Amr, ne sois pas comme un tel qui priait de nuit et qui a laissé. Ne sois pas comme un tel qui priait de nuit et qui a laissé. Et il faut dire que c'est un cours même si on était dans le fiqh, on voit qu'elle est dans le bab l'adab et dans le bab ماذا حساب النفس. هذا الدرس في أصول لكن يجعل كل واحد منا يحاسب نفسه ويختبر نفسه أين أنت من هذه الكلمات البديعة ها؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلام أو يلام كان ينصح ويوجه أصحابه لقيام الليل القيام الليل والقيام من الليل عبادة عظيمة إذا قام به الشخص استنار نهاره نعم celui qui accomplit le qiyam al-layl de nuit toute la journée elle sera éliminée وسيأتي فماذا سينزل الله عليه بصيرة يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وأي شيء أعظم في بيان تقوى الشخص من أن يقوم من الليل مع محبته للنوم وكذلك مع الفردية، هو فريد ما من أحد يراه، وفي الليل بينه وبين ربه ويصلي، فهذا دلالة على تقوى العبد. قيام الليل c'est vraiment un indicateur qui montre la crainte du serviteur envers son Seigneur, car il arrive à sortir de son lit alors qu'il aime dormir et il se retrouve seul, personne ne le voit si ce n'est Allah Azza wa Jal. Donc ce genre de cours là, en vérité, comme l'ilm kakol tastafid fi jami' al jawanib lakin ليس العلم ما حفظ، ليس العلم ما حفظ. من قال هذا الكلام؟ الإمام الشافعي. ليس العلم ما حفظ، حفظت القرآن مهما حفظته، وحفظت من السنة ما حفظته، لكن العبرة بالعمل، العبرة بالعمل. فنحن لما نقرأ هذه الفوائد ما نقرأها قراءة، نحاسب أنفسنا، أقول سبحان الله أمس ما صليت، قبل أمس ما صليت. إذن لابد أراجع إلى هذه العبادة العظيمة، إلى هذه العبادات الرافعة. ما ندري متى سنلقى الله، لكن من لقي الله بقيام الليل مستمرا فإنه قد حسن خاتمته. Certes, il a, celui qui rencontre Allah Azza wa Jal et il était constant dans le Qiyam al-Layl, il a certes eu une bonne fin. Ala kulli hal, le prophète alayhi salatu wa salam, il blâme le compagnon et il lui dit ne sois pas comme un tel qui priait pendant la nuit et qui a laissé. Tu voulais dire Ismail? Le hadith قال يا عبد الله ابن عمر يا عبد الله ابن عمر يا عبد الله ابن عمرو لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه كان يقوم الليل فتركه. Donc ça c'est la première catégorie qu'on appelle as-sunnah al-mu'akkada. La deuxième catégorie الثاني المندوب المسمى بالسنة الزائدة أو النافلة. Donc c'est la sunna qu'on appelle surrogatoire. وهو كل ما لم يواظب ما لم يواظب الرسول عليه الصلاة والسلام عليه. Ce sont toutes les œuvres surrogatoires mais sur lesquelles le prophète صلى الله عليه وسلم n'était pas qu'accomplissait le prophète صلى الله عليه وسلم non d'une manière constante, non d'une manière constante. Ce sont les œuvres surrogatoires qu'accomplissait le prophète صلى الله عليه وسلم non d'une manière constante. بل فعله مرة أو أكثر. Bien au contraire, il se peut qu'il ait fait ces choses-là une fois ou plus. طيب. C'est quoi son jugement? يعاقب. لا. المندوب. ولا يعاقب. أحسنت وفقك الله. طيب والآن هنا في هذه القضية السنة الزائدة حكمه أنه لا يعاقب تاركه ولا يلام. Le jugement là d'une sunna qu'on dit sunna zaïda ou nafila, c'est que celui qui la laisse, il n'est pas châtié Et il n'est pas blâmable. Il n'est pas blâmable. Celui qui le laisse, il n'est pas satisfait, il n'est pas blâmable. La troisième catégorie, al-mandoub al-musamma bis-sunnah, al-jibaliyya, al-jibaliyya. Le mustahab qu'on appelle une tradition. Comment? Djibélié. Ancré. Ouais, voilà, tradition ancrée. Vous voyez? Et ce sont celles et traditions qui vont en accord avec les mœurs et la prime nature. Tabaïr. Et les natures. Les tabaïr, c'est les. Ah, voilà les coutumes et les habitudes. Voilà. Ahsan, les habitudes. Wahia, mathalan, ma kana alayhi l'arab min al-libas. Kana al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaf'aluha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait faire ce que les Arabes, ou porter ce que les Arabes avaient l'habitude de porter à son époque. Ça va? Comme le fait de porter un thob, un kamis, en ouvrant ici, là. En ouvrant cette partie-là. Ça va? Les Arabes, ils s'habillaient comme ça. Lui, il l'a fait par rapport à ça. Ça va? Ça y est. Oh, le fait de, comme le fait de séparer les cheveux. Comme le prophète sallam, quand il se coiffait, il commençait par la droite, il coiffait cette partie-là de ce côté, et l'autre de ce côté, en laissant une raie au milieu. Vous voyez? Ou le fait de faire la imam, ou de marcher avec le hassa. Tamam? Tout ça, c'est des choses, des sunnahs, qu'on appelle jibiliyyah. C'est quoi son jugement de cette sunna? Celui qui la laisse, qui prend un péché, il est châtié. Là, non. Là, yu'aqab. Celui qui la fait pas, il n'est pas châtié et il n'est pas blâmable. Vous voyez? Enfin, vous marquez. Et ces trois sunan, ces trois sunan qu'on vient d'évoquer, celui qui les fait sera récompensé si toutefois il a l'intention de suivre le prophète. Allez, salat tous. Tu voulais dire quelque chose? On a fait bien avec le cadre. Ça va?